Genèse chapitre 34. Ordina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays, et Sichem, fils d'Émor, et Vien, prince du pays, la vit, et l'enleva, et coucha avec elle, et la força, et son cœur fut attaché à Dina, fille de Jacob, et il aima la jeune fille, et parla selon le cœur de la jeune fille. Sichem aussi parla à Émor, son père, en disant, prends-moi cette fille pour être ma femme. Et Jacob apprit qu'il avait violé Dina, sa fille. Or ses fils étaient avec son bétail au champ, et Jacob se tut jusqu'à ce qu'ils fussent revenus. Et Émor, père de Sichem, vint à Jacob pour parler avec lui. Et les fils de Jacob étant revenus, des champs, et ayant appris ce qui était arrivé, ils en eurent une grande douleur, et furent fort irrités de l'infamie que Sichem avait commise contre Israël, en couchant avec la fille de Jacob, ce qui ne se devait point faire. Et Émor leur parla, en disant, « Sichem, mon fils, a mis son affection en votre fille, donnez-la lui, je vous prie, pour femme. Et alliez-vous avec nous, donnez-nous vos filles, et prenez nos filles pour vous, et habitez avec nous, et le pays sera à votre disposition, demeurez-y, et y trafiquez, et ayez-y des possessions. » Sichem dit aussi au père et aux frères de la fille, « Que je trouve grâce devant vous, et je donnerai tout ce que vous me direz. Demandez-moi telle dot et tel présent que vous voudrez, et je les donnerai comme vous me direz, et donnez-moi la jeune fille pour femme. » Alors les enfants de Jacob répondirent à Sichem et à Émor, son père, et, agissant avec ruse, parce qu'il avait violé Dina, leur sœur, ils leur dirent, « Nous ne pourrons point faire cela, de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce nous serait un opprobre, mais nous nous accommoderons avec vous, pourvu que vous deveniez semblables à nous en circoncisant tous les mâles qui sont parmi vous. Alors nous vous donnerons nos filles, et nous prendrons vos filles pour nous, et nous demeurerons avec vous, et nous ne serons qu'un seul peuple. Mais si vous ne consentez pas d'être circoncis, nous prendrons notre fille, et nous nous en irons. » Et leur discours plurent à Émor, et à Sichem, fils d'Émor. Et le jeune homme ne différa point à faire ce qu'on lui avait proposé, car la fille de Jacob lui agréait beaucoup, et il était le plus considéré de tous ceux de la maison de son père. Émor donc, et Sichem, son fils, vinrent à la porte de leur ville, et parlèrent aux gens de leur ville, en leur disant, « Ces gens-ci sont paisibles, ils sont avec nous, qu'ils habitent au pays, et qu'ils y trafiquent, car voici, le pays est d'une assez grande étendue pour eux. Nous prendrons leurs filles pour nos femmes, et nous leur donnerons nos filles. Et ces gens s'accommoderont à nous en ceci pour habiter avec nous, et pour devenir un même peuple, pourvu que tout mâle qui est parmi nous soit circoncis, comme ils sont circoncis. Leur bétail, et leurs biens, et toutes leurs bêtes, ne seront-ils pas à nous? Seulement accommodons-nous à eux, et qu'ils demeurent avec nous. » Et tous, UX qui sortaient par la porte de leur ville, obéirent à Émor et à Sichem, son fils, et tout mâle d'entre tous ceux qui sortaient par la porte de leur ville, fut circoncis. Mais il arriva, au troisième jour, quand ils étaient dans la douleur, que deux des enfants de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, ayant pris leurs épées, entrèrent hardiment dans la ville, et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au tranchant de l'épée Émor et Sichem, son fils, et emmenèrent Dina de la maison de Sichem, et sortirent. Et cela étant tué, les fils de Jacob vinrent, et pillèrent la ville, parce qu'on avait violé leur sœur. Et ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs, leurs ânes, et ce qui était dans la ville et au champ, et tous leurs biens, et tous leurs petits-enfants, et emmenèrent prisonnières leurs femmes, et les pillèrent, avec tout ce qui était dans les maisons. Alors Jacob dit à Siméon et Lévi, « Vous m'avez troublé, en me mettant en mauvaise odeur parmi les habitants du pays, tant chananéens que phérésie. En, et je n'ai que peu de gens, ils s'assembleront donc contre moi, et me frapperont, et me détruiront, moi et ma maison. » Et ils répondirent, « Fera-t-on de notre sœur comme d'une paillarde ?